Chapitre 16e. Il s'est élevé. Juliette, en entrant, vint à lui, la main tendue. « Il ne faut pas m'en vouloir, » dit-elle en remarquant l'expression de mécontentement qui assombrissait son visage. « C'est un peu pour vous que je suis sortie, pour que je ne vous trouve pas. » Elle ne répondit pas, mais elle le regarda, et ce regard suffit pour qu'il oublia, et l'absence de Juliette, et ce que Madame Nélis venait de lui apprendre. « Maman a dû vous raconter, » dit-elle, « que nous sommes allés hier à Passy pour voir ce tableau de Francis Hérold dont M. Godefroy parlait l'autre jour. C'est vraiment admirable. Je n'ai rien vu dans la peinture contemporaine qui m'ait produit un tel effet. J'étais ébloui, fasciné, et si profondément ému que des larmes de bonheur m'ont empli les yeux. Cette demi-heure passée dans l'atelier de Rolls est la meilleure de ma vie. » Elle sentait qu'elle parlait avec enthousiasme, et l'enthousiasme est devenu si extraordinaire dans notre monde qu'elle s'arrêta. « Il est vraiment heureux que Francis Hérold ne se soit pas trouvé là, » dit-elle en souriant. « Je crois que je me serais mise à genoux devant lui et que je l'aurais adoré. »« Peux-tu dire de pareilles choses ?» s'écria Madame Nélis. « Méchante enfant, tu n'auras donc jamais de retenue ?»« Pas même de tenue, maman. »« On n'adore à genoux que le bon Dieu, » dit gravement Madame Nélis, qui prenait toujours les plaisanteries par le côté sérieux. « Et c'est ça, maman. » « Heureusement que vous ne connaissez pas M. Hérold et que vous ne l'avez jamais vu, » dit Adolphe. « Ce n'est pas M. Hérold que j'aurais adoré, » répliqua-t-elle. « C'est le peintre des semailles d'automne. » « Enfin, revenons au motif qui a déterminé mon voyage à Passy ce matin. » Toute la nuit, bien entendu, j'ai rêvé du tableau. Alors une idée m'a passé par l'esprit. J'ai pensé à vous, me demandant pourquoi vous n'achèteriez pas ce tableau, qui serait le chef-d'œuvre de votre collection. Seulement, avant de vous soumettre cette idée, il fallait savoir si le tableau était à vendre et quel prix on en voulait. Il est à vendre et on en demande 6 000 francs. Dans 10 ans, il en vaudra 60 000. Maintenant, me pardonnerez-vous? Et franchement, mon idée vous plaît-elle? Je suis heureux que vous ayez pensé à moi. Demain, je vous apporterai les 6 000 francs. Vous ferez bien au tableau l'honneur de le voir avant de l'acheter, n'est-ce pas? Je m'en rapporte à vous. Ce qui vous a plu ne peut que me plaire. C'est me marquer plus d'estime que je n'en mérite. Et ce n'est pas témoigner au peintre l'admiration qui est due à son talent. Demain, je ne puis aller au Louvre qu'à midi. Voulez-vous que nous allions à Passy le matin? La perspective d'une promenade avec elle fit oublier à Adolphe les difficultés qui, pendant plusieurs jours, l'avaient empêché d'aller au Louvre, et il fut convenu que le lendemain matin, à 10 heures, il viendrait avec une voiture prendre Juliette et Madame Nélis. « Je ne serais pas fâché de revoir ce tableau, » dit celle-ci, « car j'avoue qu'au premier examen, la vulgarité du sujet a nui à mon impression. Un paysan qui sème du blé, cela est bien ordinaire. Si j'achetais des tableaux, je n'aurais pas à avoir sans cesse devant les yeux ce grand diable de paysan, laid à faire peur et qui a terriblement l'air d'un partageux. « Ah, mère !» s'écria Juliette. « Je ne dis pas que cela n'est pas admirable, » continua Madame Nélis, sans se laisser troubler par cette protestation indignée. « Je dis seulement que j'aimais mieux les tableaux que nous avions dans notre salon. Les adieux de Boabdil à Grenade, Sarah la baigneuse. Mais il en est de la peinture comme de la littérature. On ne s'intéresse plus à Boabdil d'aujourd'hui. Qu'on me permette de le regretter, c'est tout ce que je demande. » Juliette s'était assise et, machinalement, elle flattait le chat, qui faisait le gros dos et filait doucement. Madame Nélis avait repris les ciseaux et coupait des étoffes, s'arrêtant seulement de temps en temps pour se cacher la tête entre ses mains, comme si elle avait besoin d'échapper aux distractions et de tendre fortement son esprit sur des combinaisons difficiles. La conversation était tombée, et l'on entendait seulement la soie qui criait sous les ciseaux de Madame Nélis et les ronrons du chat. Il prit son courage. « Vous voulez me montrer le tableau de M. Hérold, » dit-il, « et je suis certain que cela me fera grand plaisir. Mais j'aurai plaisir aussi à voir les vôtres. Ne me le permettez-vous pas ?»« Volontiers. Si vous voulez passer dans mon atelier. »« Excusez-moi si je ne vous accompagne pas, » dit Madame Nélis, « mais je tiens en ce moment une coupe très délicate, celle du postillon. » Si je l'abandonnais, je ne la retrouverais pas. Tout à l'heure, je vous rejoindrai. » Juliette entra la première dans l'atelier et Adolphe, venant derrière elle, referma la porte. Le moment décisif était arrivé. Il avait demandé un entretien. Il n'avait plus maintenant qu'à parler. Cependant, il ne parla pas. Et comme s'il avait été sincère en voulant voir les tableaux de Juliette, il se mit à regarder celui auquel elle travaillait en ce moment. C'était un atelier de couturière. Autour d'une table couverte d'étoffes brillantes, des jeunes filles étaient rangées, les unes cousant, les autres enfilant leur aiguille, celles-ci taillant, celles-là les yeux levés, réfléchissant ou rêvant. « Vous ne pouvez pas voir grand-chose, » dit Juliette, « car tout cela n'est guère avancé. Je veux donner à ces têtes une expression de tristesse et de fatigue qui touche le cœur. Mais il faut que toutes ces figures soient faites d'après nature et non de chic. Voilà pourquoi je copie le Richelieu en ce moment. » « En quoi donc le Richelieu peut-il vous servir pour ce tableau pris dans le vif de la vie ? » dit-il en la regardant avec surprise. « Tout simplement me permettant de me donner les modèles que je dois me refuser en ce moment, » dit-elle en souriant doucement. « Et quoi ? Mon Dieu, oui, les modèles coûtent cher, et comme cette copie était bien payée, je l'ai acceptée avec empressement. Je m'hâte de la finir pour revenir à ses couturières. On ne fait pas ce qu'on veut. Les chemins les plus longs sont souvent ceux qui nous mènent le plus rapidement à notre but. Est-ce que vous n'avez pas été satisfaite de votre année ? Dit-il en hésitant dans sa question. Aussi satisfaite que je pouvais l'espérer. Mais j'ai encore bien du chemin à parcourir, et pas mal de temps à attendre probablement avant que les amateurs montent mes 5 étages pour m'acheter mes tableaux. C'est déjà bien joli que je puisse en vendre un de temps en temps aux marchands. Et vous savez que les marchands ne payent pas cher, surtout les artistes qui, comme moi, n'ont pas de nom. « Il me semble cependant que vous avez fait depuis un an des progrès bien sensibles et que votre talent a grandi d'une façon qui ne peut pas se mesurer, » dit-elle en riant. « Je sais que je n'ai pas qualité pour vous juger, je n'ai pas cette sotte prétention de vouloir parler de ce que je ne connais pas. Mais mon sentiment est qu'il y a dans ce tableau une habileté de composition et une facilité d'exécution qui marquent chez vous un progrès remarquable. » Vous êtes trop indulgent. Je dis ce que je vois. Vous parlez en ami. En ami sincère, dévoué, qui a pour vous une affection profonde, croyez-le. Il lui prit la main qu'il garda dans les siennes. Mais après un moment, elle se dégagea doucement, et il se fit alors entre eux un silence qui, se prolongeant, devint pour Adolphe difficile et gênant. Il se mit alors à marcher dans l'atelier, regardant les études qui étaient accrochées contre la muraille. Une gravure qui a eu son heure de popularité et qu'on trouve encore en province avec Adieu de Fontainebleau et Le Retour de l'île d'Elbe, a montré ce qu'était l'intérieur d'un atelier de peintre. On y voit un cheval dans une stalle, des gens qui font des armes, des boxeurs, le torse nu et les poings armés de gants, des curieux qui fument ou qui font l'exercice avec des fusils, tandis que le peintre, calme et tranquille au milieu de ce brouhaha, travaille avec inspiration. L'atelier de Juliette ne ressemblait en rien à ce tableau. C'était une grande pièce au 5e étage d'une maison bourgeoise, et bien entendu, on n'y voyait ni chevaux ni boxeurs. Cette pièce avait été accommodée par l'architecte sur le modèle qui sert couramment pour les ateliers. Un grand châssis vitré au nord, des murs peints en bas-relief, et un poêle calorifère dans un coin. C'était par l'ameublement seul que cet atelier différait de ceux qu'on rencontre partout. On y voyait en effet dans un angle un piano à queue, et tout près, à portée de la main, un casier plein de partitions et des cahiers de musique. Puis, dans l'angle opposé, on voyait encore une petite bibliothèque dont les rayons étaient garnis de livres. Or, les livres se trouvent assez rarement chez les peintres, qui généralement lisent peu. Plus le silence se prolongeait, plus il devenait pénible pour Adolphe. Il fallait entreprendre cette explication désirée, il fallait parler. Mais que dire, à moins de tout dire ? La position n'était plus celle qu'en venant à Paris, il avait pris plaisir à imaginer au gré de son désir et de sa fantaisie. D'un côté, sa mère avait clairement indiqué sa volonté de ne pas consentir à un mariage avec Juliette. D'un autre, par ce qu'il avait vu au Louvre et par ce qu'il avait appris dans les confidences de Madame Nélis, il sentait que Juliette pouvait lui échapper d'un moment à l'autre, sans qu'il eût le droit de s'en plaindre. Si, pour sa mère, il devait attendre et tâcher de gagner du temps, ce qui lui permettrait peut-être de l'amener doucement à ce mariage. Pour Juliette, il devait se décider franchement et ne pas laisser au Portugais une place libre. Il fallait donc qu'il se prononçât nettement, et cependant il hésitait, l'esprit troublé, le cœur serré. C'est qu'en dehors des raisons puissantes qui le rendaient perplexe, il en avait une plus puissante encore qui paralysait sa langue. En amour, les hommes peuvent se diviser en deux grandes classes. Ceux qui joyeusement, gaillardement disent à toutes les femmes « je vous aime » et ceux qui ne peuvent pas se décider à adresser ce mot, pourtant si facile et si doux, à celle qui tient leur vie entre ses mains. En eux, le regard, le sourire, l'attitude, le silence, tout crie « je t'adore », tout, excepté les lèvres, qui se refusent à articuler ce mot. La pudeur, la timidité, le respect, la crainte, l'excès même de la passion, tout se réunit pour arrêter ce mot dans leur gorge, et plus ils aiment, plus ils sont pleins d'angoisse et d'effroi. Adolphe appartenait à cette dernière classe des amoureux. Brave des yeux, il était l'âge des lèvres. Qu'allait-elle répondre? Si elle leur poussait, ne valait-il pas mieux rester dans l'incertain qui permet au moins l'espérance? La pendule marquait midi. Il se jura qu'au dernier coup des 12 heures, il parlerait. Le dernier coup s'éteignit en de faibles vibrations. Alors, revenant vers Juliette, « Je vous ai demandé un entretien, » dit-il d'une voix frémissante. « Je croyais que vous vouliez voir mes tableaux. Je voulais vous parler. Je voulais vous dire que je vous aime et vous demander d'être ma femme. »